I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin et c'est maintenant l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum en ma compagnie. J'espère que vous allez bien, désolé de vous avoir manqué la semaine dernière, petit problème de santé, mais j'aimerais remercier Jean-François Morin qui a bravé intempéries, la distance et son horrible coupe de cheveux pour venir me remplacer d'une main de maître et en plus s'entretenir avec les joyeux gaillards de Yesterday's Ring. Et me voici de retour avec toi, public, j'espère que tu t'es ennuyé de moi, parce que moi, je t'ai désiré un petit peu, là. On va débuter dès maintenant avec un petit peu de indie rock très à la mode. On va avoir des pièces de Malajube, Le Nom, Elmonter et Major Bidet. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est la première fois de toute façon que ça va jouer à CISM. Ouvrez bien vos oreilles, j'adore cela. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre par téléphone au 343-CISM. C'est le 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrumcism@hotmail.com. Et mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous y trouverez là des résumés des pièces qui ont été jouées aujourd'hui, des liens rigolos là, et des archives. J'essaie de garder le plus d'émissions possible en MP3 pour vous, pour vos ordinateurs, pour vos baladeurs portatifs. Et avant de débuter, une petite pensée du jour, juste pour toi, public. Je refuse de m'accrocher à mes rêves et je me donne des objectifs de vie réalistes, sans attendre que le sens des événements me soit révélé. C'est tiré de 24 heures à la fois, recueil de pensées quotidiennes, collection La Semaine. Oh oh oh. C'est déprimant. On débute dès maintenant avec Pas de philo de Malajube sur la marge. Ouais! We'll be right back.

Ouais. Ouais, tu m'écoutes. De Berlin, de Moscou, de Mexicali. Je vais te faire un poème. Écoute bien. Chaque jour, je choisis d'affronter une peur. Cela me permet de maîtriser mes tourments en faisant preuve de sagesse et de fermeté. Ouais, recueil de poèmes du magazine Dernière Heure trouvé sur un banc d'autobus représente. Bonjour tout le monde, vous avez constaté par le lot de niaiseries sortant de ma bouche que vous écoutez Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je m'appelle André Péloquin, j'espère que vous passez un agréable jeudi, hein, qui est pseudo-ensoleillé, puis pseudo-froid, puis on a pseudo-du plaisir à être un pseudo-animateur de radio. On vient de débuter cette grande traversée avec des pièces indie rock. On vient de terminer avec Major Bidet. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter leur site web. C'est le Major Bidet, MAHJORBIDET.com. C'est un projet réunissant deux multi-instrumentistes, dont un qui collabore aussi un manager. Puis moi, j'aime bien ça. Et si vous avez aimé cette pièce qui s'appelle Painful Love, elle est offerte en téléchargement sur ce même site web. Un peu avant, on avait Elmotter, le nouveau projet des membres de Tremolo. C'était la pièce Dea del Ceso. Un peu avant, Le Nom, avec la pièce Le Boy Toy with No Joy, est tirée de leur maxi Allez Chérie, fais-moi mal. Pour ceux qui sont intéressés, Le Nom se joindra à Neve Confi au Quai des Brumes en concert le 24 avril prochain. C'est au profit des étudiants en scénographie de l'UQAM. Et je vous ai parlé de Neve Confi, n'ayez crainte, on va en jouer dans quelques instants. Et on a débuté cette émission avec la pièce Pas de philo de Malajub. C'est tiré de leur excellentissime nouvel album Trompe-l'œil. Et pour ceux que ça pourrait amuser, allez sur le site ofqj.gouv.qc.ca et vous faites une recherche dans Google avec Nabi, N-A-B-I, espace Malajub, et vous devriez tomber sur un reportage vidéo assez hilarant. On va poursuivre dès maintenant avec des pièces un petit peu plus pop. On va débuter avec un extrait d'un autre excellent album qui est sorti dernièrement, le LP1 de Neve Confi. C'est la pièce Ces choses-là. D'ailleurs, c'est le lancement de l'album de Neve Confi ce vendredi au Main Hall. C'est gratos, courez-y, pointez-vous de bonheur et amusez-vous. Ensuite, on va enchaîner avec Les Trompe-l'œil. D'ailleurs, le membre, le monsieur derrière Les Trompe-l'œil, Alex Champigny, est un proche collaborateur de Neve Confi. L'histoire de faire une pierre d'un coup. On va entendre la pièce Sur ton joli divan rose. Ensuite, on va passer à une pièce du nouveau maxi de SAS31. Et on va terminer avec du Holden. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com, ou encore me rejoindre live, maintenant en studio, avec le bon vieux téléphone. C'est le 343-CISM 343-2476. On débute dès maintenant avec Neve Confi et Ces choses-là sur la marge. 893 FM, CISM. Oui. Voix cochonne. Yeah. ce qu'ils disent à la télé. Parfois, on dirait qu'ils me parlent pour vrai. On dirait que je suis défait. Mais quand je te regarde, je voudrais te parler, te dire ces choses-là. Mais tu ne te BGUSA. tout ça, j'en ai ma dose. Je n'ai envie que de toi, sur ton joli divan rose. J'attends mon âme. arrière boutique à dessiner des cercles parfaits sur les vitres, à recompter mes doigts à l'infini. J'ai perdu le goût de ces choses-là depuis. C'est plus pareil. De quelle manière? Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se continue dans vos oreilles ébahies. On vient de terminer avec Holden, c'était la pièce C'est plus pareil, le Xarlup Remix. Un peu avant, on avait un extrait du deuxième maxi de SAS 31, c'était la pièce Une fois de journée. Un peu avant, les Trompe-l'œil, la pièce Sur ton joli divan rose, tiré de leur maxi Strobe au fun. Il paraît qu'il y a un nouvel album qui va sortir cette année et je suis excité. Et on a débuté avec Navet Confit, extrait de son excellent album LP1. C'était la pièce Ces choses-là. Navet Confit lance d'ailleurs cet album ce vendredi au Main Hall et c'est gratuit. Courez-y, mettez des espadrilles, lassez-les, prenez l'autobus et allez faire le party. On va poursuivre dès maintenant avec quelques pièces hip-hop. On va commencer avec les Robots de la Rime. Ensuite, on va y aller avec du TTC. D'ailleurs, on va avoir deux pièces de TTC tirées de leur mixtape Pour les filles volume 2. Moi, je vais vous avouer que je suis déçu. Et je vous expliquerai pourquoi tantôt. Et on va aussi avoir du Gatineau qui sont en concert ce soir. Je vais vous en parler aussi après les petites chansons. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par le bon vieux téléphone au 343-CISM 343-2476. Prenez ce numéro en note. Il va y avoir un concours tantôt pour les mi-ups d'entre nous. Et il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Résumé d'émissions, archives en MP3, entrevues, liens rigolos, photos de nains à poil, tout ce qu'il faut pour égayer une journée. On débute dès maintenant avec Attends ta balle des Robots de la Rime sur la marge. À tout de suite. Yeah! Ah! Ah! Ah! Wu-Tang! Attends ta balle, attends ta balle. déclenche une avalanche. On est pas sur l'autoroute, mais suis les lignes blanches. Parce que t'as bien la chance d'avoir une ambulance. Métro, fais acte de présence. Pas foutu de me faire un circuit. Moi, les circuits, j'en suis construit. Je strike out comme Billy. Une feuille d'huile, puis je suis parti. Simplement le meilleur et je reste modeste. Simplement le meilleur et je reste honnête. Mais c'est vrai, je n'aime pas mentir. Tous les autres rappeurs se font anéantir. Ça ne sert à rien pour toi d'être un anti. Tout le monde sait ici qui est le champion en titre. Dès que j'ouvre la bouche, tu te fais expulser. Car les mecs comme toi restent sur la touche. Moi je suis sur le podium en train de soulever la coupe. Pendant que t'es en train de te faire la monnaie sous la douche. Easy quiz. Fric et sexe, je déchire même sans avoir appris mes textes. Et je vous crains avec la fille qui a le prix des fesses. Incroyable, elle me barre comme si la salle était remplie d'une bande d'incapables. Volume 2, plus de tout, plus de goût, plus de sous, plus de couleurs, plus de douleur, plus de cuisses, 10 plus 1 sur la liste, je viens avec orgasme pour plus de filles sur la piste. Plus de hit, plus de frime, trop de style, je suis un super héros qui aurait bien trop de vie. J'ai le métier dans la peau, je rajouterai bien trop de vis. Cuisinier est une référence dans bien trop de vie. Tu achètes tout ce qu'il fait et dépense bien trop de fric. Mais grâce à moi, tu pourras aller draguer plein d'autres filles. Car ma musique crée des couples. Je suis le champion de l'amour, on me crée des couples. Plus d'etc, pas assez de mots pour me décrire. Plus d'ex, c'est plus léché, tout le monde sait qui l'on doit élire. Cuisine, cuise, si c'est le meilleur, on doit le dire. Si tu n'as pas bien compris, Tina va te le redire. Plus de friandises car elles aiment ça. Plus d'envie de cuisse, plus de cuisse au lit. Plus simple donc, plus un. Mais bon, des fois on se regarde avec mon pote orgasmique. Un air complice nous dit qu'on est quand même supérieur. Sans déconner, y'a même des gens à qui l'on fait super peur. Je crois que tu fais une erreur si t'as pas réservé ta place pour le concert tout à l'heure. Parce que c'est plus complet, c'est complet, c'est mort. Si tu n'avais pas bien compris que ce qu'on fait c'est fort. Pas grave, la prochaine fois il y aura plus de spectacles. Ce soir tu restes chez toi pendant que les autres s'éclatent comme des gosses de 15 ans. Toi t'as l'air plus d'un gland. C'est moi le meilleur au but second degré. Va le répéter aux autres comme un bon teubé. Je cours, je fais ça, c'est ce que t'essaies. J'en gueule tellement à peu de l'heure, ça n'est plus simple. je marche dans la vie. Le que je m'en ramène ici, quand je me garde dans mes royaumes, je me sens qui sert. Je suis gros, je fais ça, la cité des serres. Je reste tellement à peu de l'ailleurs, c'est nul qui sert. Je m'avance dans la vie. Le que je m'en ramène ici, quand je me garde dans mes royaumes, je me sens qui sert. Un gris mon nouveau régime amaigrissant, quand je m'espèce à ma tête, je suis encore plus pesant que des précédents, qu'un acte, c'était d'avant. Comme ma déprimante, un poids culminant. J'ai envie de mourir à face d'un petit Québec. C'est pas ce que belle province, d'un petit Québec. Faut que je m'en petit face, faut que je me fous plus vite. Je rentre dans le premier stand de patates frites. Je rentre dans la plage, je roche un autre rapide au mur. Laisse ta place là dans les runs, les autres toutes vues. Je connais mon rappel bêtement, j'étais à 17. Chaud dans sa feuille, qui s'appelle Lucette. Hey, la grosse, laisse faire la méthode Montinette. Puis calisse-moi dans de gros chase rap blacks. Sois pas regardé en disant, c'est sa poutine italienne. Je veux manger le cata qu'elle vend de crème de bière. Encore un soldat, on dresse un sous-marin. Un pauvre navire au romarin. Péter de lasagne, une poêle de pizza. Faut dire chemin, un café, pis un chausson avec ça. J'ai m'en prendre, j'pense que c'est un Coca-Cola. Pointe de tarte au sucre, pis comme dessert. Un gros morceau de gâteau chocolat. J'cours, j'fais ça, la cité des serres. Je reste tellement à vue de l'ailleurs, c'est l'épicère. Et j'avance dans la vie, puisque j'm'en rends molissant. Quand j'me garde dans mes royaumes, j'me sens puissant. J'cours, j'fais ça, la cité des serres. Je reste tellement à vue de l'ailleurs, c'est l'épicère. Et j'avance dans la vie. Je me garde dans mes royaumes, je me sens bizarre. Je me mets au régime, je m'inscris au gym. Je ferai la danse aérobique, la danse pour l'escrime. Je recours à rond dans le parc La Fontaine. Je prie du ski de pont, mais je ressens un petit peu qu'étienne. Pour monter le Mont-Royal en PC capedale, m'entreprendre un marathon à l'échelle nationale. Pour manger végétal, moi, me tiens de commencer. Ça n'est qu'un pas pour moi, je m'en vais d'être radical. Sauf que ce pas là, je vais le faire pour de vrai, ouais, pour de vrai. Je vais mettre du beat aussi, je vais manger frais. Pour manger frais. Prendre juste pas santé, j'ai même pas. On suit aux émissions de TV de Ricardo. Mais là, faut que je passe un bout, j'aime me faire vomir. En plus, ça commence à refroidir. Mais avant de partir, j'aurai une dernière affaire à te commander. On prend des belles et de poutine pour rapporter. J'gros, j'fais zen, et si t'es dessin. Me vise tellement à vue d'ailleurs, c'est nécessaire. Que j'avance dans vie, puisque j'm'en ramollissant. Quand j'me garde dans mes royaumes, j'me sens puissant. Je fais ça, la cité des serres. J'en casse tellement plus d'ailleurs, c'est nécessaire. Mais j'avance dans la vie, puisque j'm'en ramollis ça. Quand j'me garde dans mes royaumes, j'me sens puissant. J'cours, j'fais ça, la cité des serres. J'en casse tellement plus d'ailleurs, c'est nécessaire. Mais j'avance dans la vie, puisque j'm'en ramollis ça. Quand j'me garde dans mes royaumes, j'me sens puissant. On est trop bon, on arrive et le club est à nous. On débarque sur la piste et tout le peuple est à jour. Toute la terre attend mon album, les gens veulent et je leur donne cuisiner. Tu connais pas mon nom, pas grave, ta fille va prendre ça en cours d'histoire à l'école. Regardez pas bouger leur corps, regardez bouger leur forme. Regardez, elles savent quel est leur sort, elles savent toutes quel est leur sport. Leur sport favori s'appelle Cuisine Cuisine le Playboy. Moi je raconte sur la piste pendant que toi tu fais le décor. Et ça ne va pas changer pendant un petit moment, jusqu'à ce que je devienne un putain de millionnaire. Je ne m'attends pas à ce que tu m'accueilles avec des petits mots de tente. Ma frappe et ses bras dans ce genre en missionnaire. Appelle-moi bâtard de cuisse. Tu passes mon son, ça fait un lavage de piste. Il ne reste plus que les personnes intéressantes. La bonne musique existe maintenant, même si c'est assez récent. Dans le club, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les jeunes, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Dans les immeubles, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Les jaloux, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les mamans, elles font quoi? Elles sautent sur ma musique. En vacances, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique, la terre entière saute sur ma musique. On est tellement bon que le son passe deux fois dans la même soirée. Cuisinier fait toujours mieux que ce que tout le monde croirait. J'vends tellement t-shirt qu'il va y avoir des imitations. J'me fais trop pomper, il faudrait des limitations. Bref, bouge en attendant, je fais les choses couche par couche, marche par marche, étage par étage, et je ne sépare pas les tâches. Avec moi c'est tout à la fois, bout à la poisse. Mon disque sera le même jour que le tien mis en place. Pas de mise en garde dans le club, c'est la fête. Me dis pas que t'es venu en boîte pour prendre la tête. Moi si je suis là, c'est pour vendre ma tête et profiter de la vie comme un cancre là. Mec, et ceci jusqu'à la fin de mes jours. Je suis né pour faire de l'argent, faire des sous et sauter les gens. Dans le club, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les jeunes, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Dans les immeubles, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Les jaloux, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les mamans, elles font quoi? Elles sautent sur ma musique. En vacances, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. La terre entière sautent sur ma musique. Tout tourne autour les autres qui continuent à écouter de la super musique. Pardon, j'ai voulu prendre l'ascenseur qui va super plus vite. C'est la volume 2. Bébé, ce n'est pas mon album. J'en profite un peu. Pour l'instant, je rigole. J'en fous un peu partout. C'est seulement plus tard que je pignole. Ne vous inquiétez pas, tout le monde saura dès que je m'y colle. Cuisinier numéro 1 dans ta voiture. Cuisinier numéro 1 sous ta toiture. Goûte à ma pure weed, bouge sur ce pur beat. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je donne tout pour le public. Dans le club, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les jeunes, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Dans les immeubles, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Sautent sur ma musique. Les jaloux, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. Les mamans, elles font quoi? Elles sautent sur ma musique. En vacances, ils font quoi? Ils sautent sur ma musique. La terre entière saute sur ma musique. Hey, bonjour tout le monde! Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, ZSM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi, Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec quelques pièces hip-hop. On vient de terminer avec TTC. C'était la pièce Saute sur ma musique. C'est tiré de leur mixtape, le mixtape de Cuisinier, pardon, un des MC du trio. Le mixtape, pardon, s'appelle Pour les filles, volume 2. Devrait sortir très bientôt au Québec. Un peu avant, on avait Gatineau avec la pièce Le Gros, c'est tiré de leur maxi Sur ton visage. Gatineau, très occupé ces temps-ci, en concert ce soir au Quai des Brumes, où est-ce qu'ils vont présenter une espèce d'amalgame de spectacles et de concerts. Ils ont appelé ça un opérap. Ils vont aussi être à l'émission Baromètre du Canal Vox le 17 mars. Et pour ceux qui, comme moi, vont probablement manquer leur concert de ce soir, ils vont aussi se reproduire avec leur opéra à la Maison de la Culture de NBG le 24 mars prochain. Un peu avant, on avait une autre pièce du mixtape Pour les filles, volume 2 de TTC. C'était la pièce Simplement le meilleur. Et on a débuté avec Les Robots de la Rime, la pièce Attends ta balle, tirée du maxi du même nom. Ils ont quelques concerts de prévu, notamment le 1er avril prochain au Divan Orange, chez le lancement du mensuel Bang Bang. On va terminer cette première heure francophone avec des pièces rock'n'roll. J'ai mis la main sur une compilation qui s'appelle Dans le vent. C'est des vieux succès de groupes yéyé québécois. On va s'en taper une série et s'amuser, mais vous allez entendre des pièces comme Fou de toi des Napoléons, Cheveux longs des Bel Air et La génération d'aujourd'hui des Chanceliers, mais avant Clodhilde, une jeune française, dans les années 60, était jeune, bon, maintenant elle doit être ridée. Et on va entendre la pièce La balade du bossu. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à 343-CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrumcism@hotmail.com. Mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Je m'appelle André Péloquin et on débute dès maintenant avec La balade du bossu de Clodhilde sur La marge. À tout de suite! Bossu, on parle des bossus, on s'est connus. j'ai su, il a su et on sait plus. S'était assis dans un buisson, s'amusant, subissant, sans souci, sur sa bosse les caresses d'une amie. Au bal des bossus, on s'est connus. J'ai su, il a su et on sait plus. Il a croqué le bleu de mes yeux. Et comme je voulais encore l'aimer, il s'est éclipsé à cloche-pied. Au bas des bossus, on s'est connu. J'ai su, il a su. Entre mon bossu et moi, c'est bien fini. D'ailleurs, j'en ai plein le dos. Je suis fou, fou de toi, je l'avoue. Reste auprès de moi et on s'aimera. Que loin de moi, t'es enfui. Je sais que tout est fini. Mais toujours vers moi, tu reviens. Combler ma vie. À chaque instant, ne t'en va pas. Je t'en supplie. Ne t'en va pas. Je te verrai. Ton Saint-Marc. Je suis fou, fou de toi, je l'avoue. Reste auprès de moi et on s'aimera. Toi et moi et on s'aimera. Toi et moi, oui on s'aimera. Toi et moi, oui on s'aimera. Retourner ma photo, pensant que je l'avais trompé, je croyais avec une autre, elle était désespérée. Je l'ai supplié de me croire et d'avoir confiance en moi. Elle m'a demandé de le voir, mais c'est aussi simple que ça, car ce n'était qu'un garçon, un gars aux cheveux longs. Que nous admirons. Pour lui prouver ma franchise, j'ai voulu lui présenter ce gars aux cheveux longs qui a fait plusieurs chansons. En allant pour le voir avec elle pour lui prouver, et malgré mon espoir, il avait les cheveux courts.